السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Bienvenue à tous. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، حياكم الله. Donc tout d'abord j'aimerais remercier les responsables de cette mosquée pour avoir organisé ce séminaire. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les rétribuer de la meilleure des manières. Donc comme vous le savez, ikhwani fillah, aujourd'hui on a une conférence intitulée « L'obligation d'entrer pleinement en islam ». Et sachez, barakallahu fikoum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés de bienfaits indénombrables. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allah la ghafurur rahim. Si vous comptez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne saurez les dénombrer. Allah est pardonneur et miséricordieux. Par exemple, la création de l'homme est un bienfait immense. Allah subhanahu wa ta'ala dit: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis nous avons fait de lui une goutte de sperme déposée dans un réceptacle protégé. Puis nous avons fait de la goutte un caillot de sang dont nous avons créé un embryon en lequel nous créons des os, et nous l'avons ensuite revêtu de chair, puis nous l'avons transformé en une autre création immense, à la grandeur d'Allah, le meilleur des créateurs. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir le serviteur du ventre de sa mère. Et il lui a donné l'ouïe et la vue. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, savants, là, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, la vue et la raison. Pourquoi? Afin que vous soyez reconnaissants. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait descendre du ciel une eau qui nous sert à différentes utilisations. Il a mis à notre service le jour et la nuit et a assujetti pour nous la mer. Il dit Azza wa Jal: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سبحان الله. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, c'est lui qui fait descendre du ciel une eau qui vous sert de boisson et qui fait croître les plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. De cette eau, il fait pousser pour vous céréales, olives, palmiers, vignes et toutes sortes de fruits. Il a en cela un signe pour ceux qui réfléchissent. Il y a mis à votre service la nuit et le jour, le soleil et la lune, de même que les étoiles soumises à son ordre. Il a en cela des preuves pour ceux qui raisonnent. Subhanallah. Pour ceux qui raisonnent. Il y a de cela en des preuves. Pour ceux qui raisonnent, il a également mis à votre service tout ce qu'il a créé pour vous sur la terre, aux couleurs variées. Il a en cela une preuve pour ceux qui se rappellent jusqu'à la fin de ce verset. Et le serviteur, ikhwan fillah, ne peut pas renier ses bienfaits, car ce sont des choses qu'il voit tous les jours. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il dit dans surat al-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Donc si le serviteur, ikhwan fillah, reconnaît réellement que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a octroyé tous ses bienfaits, cela mérite qu'il soit reconnaissant envers lui. C'est pour cela, ikhwan fillah, que dans certains versets qu'on a mentionnés, Allah subhanahu wa ta'ala conclut par la'allakum tashkurun, afin que vous soyez reconnaissants. Et l'une des meilleures manières, ikhwan fillah, d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala est d'entrer pleinement en islam. Et ceci nous renvoie au titre de cette conférence, l'obligation d'entrer pleinement en islam. Et on retrouve cette obligation dans le verset 208 de sourate al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuha alladhina amanu dukhulu fi silmi kaf. Ô les croyants, entrez pleinement dans l'islam. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par interpeller les croyants en disant: Ya ayyuha alladhina amanu. Ikhwani fillah, quand parfois on lit le Coran, probablement on ne va pas se sentir concerné par certains versets. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala parle du talaq, du divorce. Mais la personne n'est pas mariée. Hein? La personne n'est pas mariée. Donc il se dit, moi, Ma'ali, je ne suis pas forcément concerné par ce verset. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ya ayyuha alladhina amanu. Là, il s'adresse directement à toi. Et les savants nous disent que l'interpellation, donc un nida en arabe, indique l'obligation pour celui qu'on interpelle de prêter une attention particulière à ce qui va suivre. Ils nous disent également que l'interpellation, par la caractéristique de la foi, est une preuve que l'accomplissement de cet ordre fait partie de ce qu'implique la foi et que son délaissement est une diminution dans celle-ci, comme l'a mentionné l'éminent savant Cheikh Al-Uthaymeen, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc par la suite, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit? Il nous dit Udkhulu fi silmi kaf, entrez pleinement dans l'islam. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre aux croyants d'entrer pleinement en islam. Et comme l'ont mentionné les savants qui sont enracinés dans la science, Ils nous disent que la base et que l'ordre indiquent le caractère obligatoire de la chose ordonnée. Donc c'est une obligation de rentrer pleinement en islam. Taïb. Quelqu'un peut dire, mais oustad, rentrer pleinement en islam. Nous musulmans, on est des musulmans. On croit qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Nous prions, nous jeûnons, nous donnons la zakat, nous faisons le pèlerinage. Nous croyons en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, au destin, qu'il soit bon et mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire entrer pleinement en islam? Nahnu muslimun. Nous sommes des musulmans. Et la réponse à cette question, ikhwan fillah, est qu'entrer pleinement en islam signifie accomplir l'ensemble des injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne rien délaisser. Et ne pas être négligent vis-à-vis de ces injonctions. Car la foi, ikhwan fillah, c'est pas comme certains, par exemple, ils vont dire. La foi, c'est où, ya jama'a? Hein? C'est dans le cœur. Ça, c'est un argument qui est faux. Un de nos mashaykhs, il disait, subhanallah, même ceux qui disent ce genre de choses, eux-mêmes, ils ne sont pas convaincus par cela. Un des mashaykhs, Cheikh Yassine, rahmallah, il disait, par exemple, si tu es marié avec Fatima, par exemple, donc, tu es marié avec elle, et tu as un mauvais comportement avec elle. Vraiment un mauvais comportement. Audhubillah. Et puis ensuite, son père te dit, Ta'al, viens voir. Comment ça? Tu te comportes comme ça avec ma fille, etc. Peut-être mon unique fille, etc. etc. Toi, tu dis, Achir, Ma'alish, l'amour, c'est où? C'est ici. Hein? Comment ça va être la réponse à Jamara? Ça va pas être... Il va pas dire, ah, ok, l'amour, c'est dans le cœur. Et donc, ça va pas se traduire par des actes. Là, il va pas être content avec ça. Et la foi, ikhwan fillah, c'est exactement la même chose. La foi implique que le croyant accomplisse l'ensemble des injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne dis pas, moi, mon cœur, il est blanc. Marli, ça, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis, un mu'min, je crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois œuvrer. إن الذين قالوا ربنا الله إيه ثم استقاموا. Ceux qui ont dit nous croyons en Allah et qui sont restés quoi, jamaa? Qui sont restés fermes. Qui sont restés fermes. Par conséquent, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète ordonne quelque chose, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne quelque chose dans le Coran, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne quelque chose dans sa sunna, on est dans l'obligation d'obéir. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiratu min amrihim. Wa man ya'si Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné la prière. Il nous a dit que ces prières ont été prescrites à des temps déterminés. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière est pour les croyants une obligation en des temps déterminés. Donc, comme tu entres pleinement en islam, tu accomplis la prière à l'heure. Tu ne pries pas le fajr, par exemple, lorsque tu te réveilles pour aller au travail. Certains, par exemple, lorsqu'ils vont travailler, ils commencent à 10h, il va se réveiller à 9h, et c'est à ce moment-là qu'il va prier le fajr. Là, toi tu es rentré pleinement en islam. C'est l'heure de la prière, tu pries. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'adorer seul, sans rien lui associer. Il nous a interdit de vouer quelconque forme d'adoration à autre que lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa'abudullah wa la tushriku bihi shay'a ». Adorer Allah sans rien lui associer. Et il dit « Waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ». Ton Seigneur vous ordonne de n'adorer que lui. Par conséquent, tu lui voues l'ensemble de tes adorations. En ayant la ferme conviction que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. Parce que certains, ils vont adorer Allah. Ils vont prier pour Allah. Ils vont jeûner pour Allah. Ils vont craindre Allah. Placer leur confiance en Allah. Mais ils vont avoir la conviction, par exemple, que tel cheikh mérite l'adoration. Ou qu'il n'y a pas de mal, par exemple, à adorer tel cheikh. Ou quelconque personne. Donc tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans rien lui associer, et tu as la conviction qu'il est le seul à mériter l'adoration subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi tu fais tout cela? Car Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de l'adorer seul et de rien lui associer. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se conformer à sa sunna. Il dit azza wa jalla wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu wattaqullah inna Allaha shadidul iqab. Ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Craignez Allah, car Allah est dur en punition. Et ce verset, comme l'a mentionné l'imam al-Qurtubi, rahmahullah, rahmatan wasi'a, qu'Allah le fasse miséricorde, il nous dit que ce verset, il a une portée générale. D'accord ? Il a une portée générale. C'est-à-dire, il englobe tout ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ordonne et tout ce qu'il interdit. Et également, on a un autre verset, si je ne me trompe pas, dans Sourate al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala dit Naam, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. Et ce qui a été révélé de la part de notre Seigneur englobe le Coran et la Sunna. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate al-Najm wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne prononce rien, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous l'emprise de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Donc tu dois et tu as l'obligation de te conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans les adorations, dans la aqida, dans la croyance, dans le comportement et autres. Et tu fais tout ça parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné d'entrer pleinement dans l'islam, c'est-à-dire d'accomplir ce qu'il t'a ordonner et ne pas faire comme bon te semble. Taïb. Malgré qu'on retrouve tout ce qu'on a cité dans le Coran et dans la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de musulmans, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, vont délaisser certaines obligations religieuses. Et peut-être que certains d'entre vous vont se demander pourquoi. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'entrer pleinement en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'adorer seul et de rien lui associer, de faire la salah, etc. Donc pourquoi certains musulmans vont délaisser certaines obligations religieuses et ne vont pas se conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et pour répondre à cette question, on va mentionner certaines causes qui empêchent le serviteur d'entrer pleinement en islam. Et ça, avant de rentrer dans ces causes, ikhwan fillah, ça c'est quelque chose de très important. Le fait que tu connaisses le bien, donc alhamdoulilah, on a mentionné la salah, on a mentionné Tawhid, etc. Mais aussi que tu connaisses le mal. Que tu connaisses le mal. Et ça, ikhwan fillah, ça c'est un procédé qui est venu dans le Coran et dans la Sunna. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle du khair. Il nous parle de la salah. Il nous parle du jeûne. Il nous parle du tawhid, etc. Mais également, il nous parle aussi du mal. Wala taqrabuz zina, ne vous approchez pas de la fornication. Il nous parle aussi de riba, il nous parle aussi de ces choses-là. Pourquoi ? Pourquoi, à votre avis ? Pour qu'on puisse s'écarter, s'en écarter. Pour qu'on puisse s'en écarter. C'est pour ça que Hudhayfa ibn al-Yaman, comme il est venu dans Sahih Muslim, il dit « Kana ashabu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yas'alunahu anil khayri wa kuntu as'aluhu anil sharri ma khafata an yudrikani » Il disait, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam le questionnaient concernant le bien. Tawhid, salah, zakah, birrul walidain, toutes ces choses-là. Et lui, il disait, Hudhayfa, wa kuntu as'aluhu anil sharri. Et moi, je le questionnais concernant le mal. Pourquoi ? Ensuite, il a expliqué, ma khafata an yudrikani, de peur que le mal ne me vienne, ou me parvienne, ou me touche. C'est pour ça que on doit apprendre ce qui est bien, d'accord, pour pouvoir le faire. Et de connaître aussi ce qui est mal. Pas pour le faire, ikhwani fillah, pourquoi ? Pour s'en préserver. On va donner un exemple basique, un exemple simple. Imaginons que Zayd, il a un enfant. D'accord ? Il dit à son enfant, Ta'al Yabouné, viens mon enfant. Il lui dit, par exemple, faut pas voler. Voler, c'est haram. C'est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime pas les voleurs. Il mentionne les versets qui parlent du vol, etc. etc. Il lui a dit, t'as compris ? Il dit, non, j'ai compris. Voilà, Simji, vas-y. Ensuite, l'enfant rentre dans un magasin. Il voit, par exemple, un moucharib, comme ça, quelqu'un qui fait des bêtises. Et il lui dit, oh mon enfant, prends par exemple ça, donc dans le magasin, mets-le dans ta poche, va m'attendre plus loin, et t'inquiète pas, moi je vais m'arranger avec eux, je vais leur payer. Je vais les payer. Et le petit, il fait ça. Il va, il met, donc dans sa poche, cet objet qui est dans ce magasin, il part, il sort. Donc ça c'est quoi, Djamara? C'est du vol. Il sort. L'épicier ou le commerçant, il l'attrape, il lui dit, ça c'est du vol, etc. Tu habites où ? J'habite là, donne-moi le numéro de ton père. Il appelle son père, il lui dit, voilà, ton fils il a volé, etc. etc. Tu me dois tant. Et Zayd, il va voir son enfant, il lui dit, mais subhanallah, je t'ai dit de pas voler. Comment toi tu viens, tu voles ? Taqillah, crains Allah Azza wa Jal. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, Abati, oh mon père, tu m'as dit qu'il ne faut pas voler. Mais tu ne m'as pas appris qu'est-ce que le vol. Tu ne m'as pas appris qu'est-ce que le vol. C'est-à-dire que le petit, on lui a dit ne vole pas. Mais on lui a pas dit qu'est-ce que le vol. On lui a pas dit que, par exemple, ça c'est du vol, ça c'est pas du vol. Donc le petit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé. Pourquoi? Car il ne savait pas qu'est-ce que c'était le vol. Mais si on lui aurait expliqué que le vol, par exemple, c'est telle ou telle chose, il aurait pu savoir que, ah, lorsqu'il m'a dit de prendre cet objet et de le mettre dans ma poche, ceci est du vol, donc il aurait pu s'en écarter. La première cause, ikhwan fillah, c'est al-jahl, l'ignorance. Et premièrement, il faut savoir que la vérité, elle est claire. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate al-Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Nous avons facilité la lecture du Coran et la méditation du Coran. Est-il quelqu'un pour en tirer une exhortation? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité tilawatul Qur'an, la récitation du Coran, ses sens et sa compréhension. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Nu'man ibn Bashir qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat. Jusqu'à la fin du hadith, la ya'lamuhunna kathir min an-nas. Certes, il dit, alayhi salatu wa salam, certes, le licite est évident. Et l'illicite est évident. Et il y a entre les deux des choses confuses. Le hadith, il est rapporté par le Bukhari et le Muslim. Et les savants, ils sont unanimes quant à ce principe, c'est-à-dire que la vérité est claire. Par conséquent, ceux qui vont délaisser la vérité et vont suivre le faux, c'est parce qu'ils n'ont ni science, en règle générale, ni connaissance. Ils ne donnent pas d'importance au Coran, également à la Sunna, et aux paroles des compagnons et ceux qui les ont suivis. L'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, il dit l'opposition, ça c'est une parole très importante, l'opposition de ceux qui ont contredit est due à leur manque de connaissance de ce qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et forcément, ikhwan et fillah, l'ignorance, celui qui est ignorant, il va souvent avoir ce qu'on appelle des shubuhat, il va souvent avoir des ambiguïtés. Et ces ambiguïtés-là vont l'empêcher de suivre la vérité. Et concernant notre sujet, le fait d'entrer pleinement en islam, il y a des ambiguïtés qui vont empêcher justement le croyant d'entrer pleinement en islam. Parmi ces ambiguïtés, la parole de certains d'entre eux, vous connaissez, il y en a ces paroles mieux que moi, Inch'Allah, il y en a, elles vont te dire, Akhi al-Karim, il faut rentrer en islam progressivement, comme le frère l'a dit. Petit à petit, il ne faut pas aller trop vite. D'accord ? Ils vont te dire, il faut rentrer en islam progressivement, il ne faut pas faire tout d'un coup. Par exemple, selon eux, celui qui fait des péchés, il ne faut pas qu'il les délaisse d'un coup. Il doit les délaisser petit à petit. Également, celui qui ne prie pas, il doit commencer à faire quelques prières de temps en temps comme ça. Par exemple, samedi et dimanche, c'est yani ijaza, comme on dit, c'est repos. À ce moment-là, il va prier. Lundi et vendredi, c'est jouer, doucement, doucement. Comme ils disent. Et ce procédé, ikhwan et fillah, en vérité, selon eux, il assurerait à la personne de ne pas faire marche en arrière. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que, par exemple, si la personne rentre pleinement en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la salah. Et dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié qu'il y a 5 prières. Si directement il fait les 5 prières, selon eux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir en arrière. Donc ce procédé, selon eux, c'est une meilleure manière, d'accord, de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas faire un retour en arrière. Et sans aucun doute, celui qui lit un peu le Coran et qui a lu ne serait-ce que 2-3 hadiths dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait qu'en vérité, ça c'est pas vrai. Et il sait que ces arguments-là sont erronés. Et pour réfuter cette ambiguïté, il suffit juste de mentionner le verset qu'on a mentionné précédemment. C'est-à-dire le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'entrer pleinement en islam. Allah dit « Ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin » Oh, les croyants, entrez en plein dans l'islam. Et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne d'entrer pleinement en islam. Pas comme ils vont dire, jouer, progressivement. Et le plus triste, comme on l'a dit précédemment, c'est que ces gens qui vont prétendre qu'il faut faire les choses progressivement, eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord avec ce procédé. On va mentionner pourquoi. On va donner un exemple qui est simple, bismillah. Imaginons que cette personne travaille. Cette personne, elle dit, il faut rentrer dans l'islam progressivement. Cette personne, elle travaille. Et son patron lui dit, moi, je vais te donner ton salaire aussi, chouéa aussi. Hein? Moi, je vais te donner aussi ton salaire, un petit peu. Par exemple, tu as travaillé du 1er au 30. Ce mois-ci, je vais te donner un tiers. Le mois d'après, je vais te donner l'autre tiers. Et après, peut-être, dans 3 mois, je vais te donner l'autre tiers. C'est le vous, Adjama, comment il va réagir cette personne-là? Hein? Il va mal réagir. Taïb, il ne sera pas content. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire ça c'est du vol. Il va dire ça c'est de l'injustice. Il va dire kiff. Comme il dit, j'ai travaillé à la sueur de mon front. Tu me donnes comme ça, échoué. Il va dire non, c'est pas correct. C'est pas correct. Donc si il pense ça, alors que dire d'Allah Azza wa Jalla ? Que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Qui l'a créé, qui lui a donné la vie, qui lui a donné l'ouïe, la vue, et qui lui a donné tout ce dont il avait besoin. Ne mérite-t-il pas qu'il fasse ce qu'il lui a ordonné, comme il lui a ordonné ? Les meilleures personnes de cette communauté. Le prophète sallam dit « Khayrun nasi qarni thumma alladhina alunahum thumma alladhina alunahum » Les meilleures personnes sont les gens de mon époque, c'est-à-dire les sahabas. Ensuite ceux qui les suivent, c'est-à-dire les tabi'in. Ensuite ceux qui les suivent, c'est-à-dire tabi'in. Est-ce qu'ils ont dit il faut rentrer échoué ? Est-ce qu'ils ont dit il faut rentrer petit à petit ? Et ça, ikhwan et fillah, ça nous montre que cet argument ne tient pas la route. Parmi les ambiguïtés qu'on peut retrouver dans ce sujet, la parole de certains vont te dire « Je sais que j'ai des manquements. » Ça, on entend ça malheureusement beaucoup. Ils vont te dire « Je sais que j'ai des manquements dans certaines choses. » Néanmoins, subhanallah, je n'arrive pas à changer. Il y a certains comportements, tu n'y arrives pas à changer. Et ça, ikhwan et fillah, on va retrouver ça souvent chez des gens, par exemple, qui ont une certaine origine et cette origine est connue, par exemple, pour être, on va dire, avoir un certain comportement. Par exemple, certains pays sont connus pour être un peu nerveux. Lui, il va te dire, non, moi, Harry, je suis de tel pays. Moi, je suis nerveux, c'est comme ça, j'arrive pas à changer. Même tu me dis des versets, Kala, c'est difficile. Ils vont te dire ce genre de paroles. Et pour répondre à cette ambiguïté ou cette parole, il nous suffit de dire premièrement que l'islam est venu pour réformer les serviteurs et non pas pour les laisser dans leur mauvais comportement. C'est pour cela que les Arabes, ikhwan et fillah, avant la révélation, avaient les pires des comportements. Et ils étaient, ikhwan et fillah, dans un égarement évident. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ » Il dit Allah Azza wa Jal, selon la traduction rapprochée, Allah a accordé une grâce aux croyants en suscitant parmi eux un messager issu d'eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre, c'est-à-dire le Coran, la sagesse, la hikmah, comme l'a mentionné le Mufassiroun, c'est-à-dire la sunna, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Et à l'époque, subhanallah, tellement certains, ils étaient très loin dans l'égarement. Ils faisaient parfois des actes abominables. Ils enterraient leurs filles vivantes. Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsqu'on demandera à la fille enterrée vivante pour quel péché a-t-elle été tuée. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ont changé et se sont réformés. Et en tête de liste, on retrouve qui à Jama'a? Hein? On retrouve qui en tête de liste? As-sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car certains d'entre eux, ils ont vécu dans la jahiliya. Mais lorsqu'ils ont embrassé l'islam, ils ont changé et sont devenus les meilleurs de cette communauté. Je vous renvoie au hadith qu'on a mentionné précédemment. Les meilleures personnes sont ceux de mon époque, c'est-à-dire les compagnons, ensuite ceux qui les suivent, ensuite ceux qui les suivent. Mais il y en a, ils ne vont pas être d'accord avec cette parole, les Djamas. Ils vont dire quoi? Ils vont dire, on est d'accord d'un certain point de vue avec cette parole, mais ils vont te dire non, on n'est pas les compagnons. Aïwa. Ils vont te dire non, on n'est pas les compagnons, on n'a pas la même foi que les compagnons. Ils vont te dire là, tu nous parles de Omar ibn al-Khattab. Regarde ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit d'Omar ibn al-Khattab. Tu parles de Salman al-Farisi. Regarde ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit de Salman al-Farisi. Ils vont te dire aussi d'autres choses. Et on va leur dire quoi ? Une réponse très simple. On va leur dire, cette caractéristique n'est pas spécifique aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car même à notre époque, les gens se réforment et se conforment à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala et celle de son prophète. Et parfois, certains d'entre eux ont vécu dans la perversité et la débauche. Comme disent les Arabes, bil mithali, hein, yattadihul maqal. On va donner un exemple, car avec l'exemple, ce qu'on dit devient plus clair. On va parler d'un grand savant de l'islam qui s'appelle Al-Fudayl ibn Iyad. Ibn Kathir, rahmahullah, et d'autres, mentionnaient qu'Al-Fudayl ibn Iyad, c'était un brigand. Et il volait et pillait les voyageurs. Et il était épris d'amour d'une servante. Et une nuit, il escalada le mur de sa maison pour pouvoir l'atteindre. Et lorsqu'il était dans cette situation, il a entendu un verset du Coran. Il a escaladé le mur, donc pour aller voir cette servante. Et il a entendu un verset du Coran. Ce verset, c'est le verset 18 de Surat al-Hadid, le fer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Alam ya'ni lil-lazina amanu an taqsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq » Le moment n'est-il pas venu pour les cœurs des croyants de se soumettre et de s'émouvoir à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit Bala ya Rab, qad an. Il a dit bien sûr au Seigneur, le moment est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait demi-tour. On a dit il a escaladé pourquoi, Jamara? Pour voir la servante. Qu'est-ce que lui il a fait? Il a fait demi-tour. Lorsque le cœur il est vivant, inversé à Jamara, ça peut changer la vie d'une personne. Juste un verset. Il a entendu ce verset, il a dit c'est bon. Il est parti. Donc il a fait demi-tour et ça c'était le début de son repentir. Et il s'est rendu dans une hutte, une petite cabane, pour s'y asseoir et réfléchir. Et ensuite il a entendu un groupe de voyageurs. Parce qu'il faudrait, il était connu pour voler. Tout le monde savait qu'à cet endroit il y avait un voleur. La yarham ahad. Il fait miséricorde à personne. Et donc il était dans sa cabane comme ça en train de réfléchir. Et il entend des voix. Il entend une voix, il y a des gens parler entre eux et dire écartez-vous de cette route. Car il s'y trouve Al-Fudayl. Et il coupe la route. Allahu Akbar. C'est dit, il parle de moi. Et ensuite, il est sorti donc de sa cabane pour se rendre auprès d'eux. Il a dit, je suis Fudayl. Antum aminun. Vous êtes en sécurité. Et il a juré, il a dit, par Allah, je ferai tout pour ne plus désobéir à Allah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à la mosquée sacrée. Et il séjourna à côté de la mosquée sacrée jusqu'à sa mort. Et c'est devenu, Ikhwani Fillah, l'un des plus grands ubbad, l'un des plus grands adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'un des plus grands réformateurs et l'un des plus grands savants de son époque. Et pour savoir, Ikhwani Fillah, la science d'une personne, il faut revenir à quoi? Il faut revenir à Ahlul Fan. Il faut revenir aux savants. Si tu veux savoir, par exemple, le degré d'une personne, regarde ce que les savants disent sur lui. Ibn al-Mubarak, rahimahullah rahmatan wasi'a. Ibn al-Mubarak, c'est un imam. C'est un imam des gens de la sunna. Subhanallah, avant de mentionner la testa'adilou, avant de mentionner yani la parole, Ibn al-Mubarak, un jour, il était dans une assise et quelqu'un regardait Ibn al-Mubarak Et il a dit, quand il a regardé, il a dit, mais dans quoi lui nous a dépassé? Subhanallah. Il a appris des hadiths. Nous aussi, on apprend des hadiths. Il a appris le Coran. Nous aussi, on a appris le Coran. Il fait des choses, alhamdoulilah, de bien. Il donne des sadaqats. Nous aussi, on donne des sadaqats. Ensuite, la lumière, elle s'est éteinte. C'était pas à l'époque, alhamdoulilah, on a évolué. À l'époque, c'était des lampes comme ça, avec de l'huile. Et donc, il n'y avait plus d'huile. La personne, elle est venue. Elle a remis de l'huile. Et lorsque, donc, la lumière est revenue, Ibn al-Mubarak, il était en train de pleurer. Sa barbe, elle était vraiment inondée de larmes. Et cette personne, elle a dit, c'est dans ça qu'Ibn al-Mubarak, il nous a dépassés. Car c'est probable qu'il s'est rappelé, quoi ? Les bienfaits de la vie, mais plutôt, excuse-moi, le fait que là, la tombe est sombre. Et c'est pour ça qu'il a pleuré. Il a dit, c'est dans ça qu'il nous a dépassé. C'est dans ça qu'il nous a dépassé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Certes, parmi mes serviteurs, seuls les savants craignent véritablement Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ça qu'Ibn al-Mubarak a dépassé les gens de son époque, dans la taqwa. Subhanallah. Fa Ibn al-Mubarak, il dit à propos d'Al-Fudayl ibn Iyad. Donc, comme on a dit, lorsqu'on veut savoir, il y a le niveau d'une personne dans la science, dans l'ascétisme, etc., on revient à Ahlul Fan, les ulama, les savants. Donc il dit, Ibn al-Mubarak, il ne reste pas sur terre meilleur qu'Al-Fudayl ibn Iyad. C'est-à-dire, lorsqu'il foudait l'Ibn Iyad, il est mort, Ibn al-Mubarak, il dit, il n'y a pas meilleur que lui qui reste sur terre. Regardez comment il a commencé à Jamal. Il a commencé à y voler. Il escaladait le mur pour aller voir une servante. Subhanallah. Et ça, ikhwan fillah, c'est un message qu'on adresse à la jeunesse. Ce n'est pas parce que certains jeunes, par exemple, qui vont vivre en cité et qui vont, par exemple, faire certains péchés, que, comme on dit, Qoudi al-Amr, là, qu'en gros c'est terminé, non? Alhamdulillah, qu'est-ce qui t'empêche de te repentir et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala? Sincèrement, il n'y a rien qui t'empêche. Et si tu fais ça, Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever. Comme il a élevé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a élevé les pieux qui, auparavant, ne l'étaient pas. Et on a, ikhwan fillah, beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer dans cela, incha'Allah ta'ala. La deuxième cause qui empêche le serviteur d'entrer pleinement en islam, c'est la peur. Al-Khawf. Car en vérité, beaucoup de gens savent qu'il est obligatoire d'entrer pleinement en islam. Cependant, ils ne le font pas par peur. Parfois, par peur des regards des autres. Il va se dire, si moi je vais à la mosquée tout le temps, les gens vont commencer à me regarder. Les gens vont commencer à parler sur moi, à me reprocher des choses. Et on a, ikhwan fillah, plusieurs exemples qui nous indiquent que la peur peut être une cause de détourner le serviteur de la vérité. La première, ou plutôt le premier exemple, c'est celui du peuple de Pharaon, le peuple de Pharaon. Beaucoup d'entre eux se sont détournés de ce avec quoi le prophète Moussa alayhi salam est venu, par crainte de Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Yunus, فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. Personne ne crut en Moussa, à l'exception d'un groupe de jeunes, craignant que Pharaon et ses notables ne les éprouvent. Pharaon était en sa contrée orgueilleux et transgresseur. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que certains proches de Pharaon, tellement ils avaient peur de lui, ils dissimulaient leur foi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. Un homme croyant de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi dit: tuez-vous un homme parce qu'il dit mon Seigneur est Allah subhanahu wa ta'ala? Et regardez, pour vous montrer que la peur, ça peut écarter la personne de la vérité. Lorsque les gens ont arrêté d'avoir peur de Pharaon, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a noyé, lui et ses troupes, les gens ont suivi successivement la vérité. Et les suiveurs de Moussa alayhi salam étaient nombreux. Et la preuve de cela réside dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim d'après Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les communautés me furent présentées. Je vis un prophète accompagné d'une poignée de personnes, un autre accompagné d'un ou deux hommes, et un autre que personne n'accompagnait. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? C'est alors qu'une foule immense me fut présentée. C'est-à-dire, il y en a beaucoup de gens qui ont suivi un prophète. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu ça, il dit: et je crus qu'il s'agissait de ma communauté. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit? Hadha Moussa wa qawmuhu. Ceci est Moussa alayhi salam et son peuple. Alors qu'en la présence de Pharaon, les suiveurs de Moussa n'étaient qu'un petit groupe. Un autre exemple qu'on peut citer dans le fait que la peur écarte la personne de la vérité, on peut citer l'exemple de Héraclius, l'empereur romain. Malgré qu'il a cru en la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a considéré comme véridique, comme cela apparaît clairement de son entrevue avec Abu Sufyan radiallahu anhu, lorsqu'il dit, regardez ce qu'il a dit concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à Abu Sufyan: si je pouvais parvenir jusqu'à lui, j'aurais tout fait pour aller à sa rencontre. Et si j'étais auprès de lui, je lui aurais lavé les pieds. Il avait la certitude, après avoir posé de nombreuses questions à Abu Sufyan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur la vérité. Et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a envoyé. Mais malgré ça, il n'est pas entré en islam. Il n'a pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi la réponse? Quelle est la raison plutôt? Ibn al-Qayyim nous dit, rahimahullah, selon la traduction de sa parole, il dit: certes, Héraclius connaissait la vérité et désira entrer en islam. Mais son peuple n'était pas consentant. Il craint alors pour sa personne et choisit la mécréance à l'islam après que la vérité se soit manifestée à lui. Allahu Akbar. Et ces deux exemples nous montrent que la peur est l'une des causes qui empêche le serviteur de suivre la vérité. Cependant, le serviteur, il doit faire prédevancer la crainte d'Allah à celle de ses créatures. Et préférer l'au-delà à la vie d'ici-bas. Et celui qui fait ça sera certes le grand gagnant. Et nous avons une belle illustration de cela avec les sorciers de Pharaon. Lorsque Moussa alayhi salam prit le dessus sur eux et qu'ils crurent en Moussa alayhi salam, Pharaon les a menacés. Et Pharaon, il y a des mains, c'est pas n'importe qui, dans le sens où il avait quand même une armée, il avait quand même un certain pouvoir à cette époque. Il les a menacés sévèrement. Malgré cela, ils n'ont pas abdiqué. Ils sont restés fermes. Malgré que Pharaon, il avait une armée, une grande armée, il faisait du mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés fermes. Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذِنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. Les sorciers de Pharaon se jetèrent prosternés, disant: nous avons foi au Seigneur de Haroun et de Moussa. Et Pharaon dit: avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise. C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées, subhanallah. Et vous ferez crucifier au tronc des palmiers. Et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le plus durable. Malgré que Pharaon il avait une quwwa, une force, et qu'il était capable de faire des choses odieuses, les sorciers de Pharaon restèrent fermes. Et ils favorisèrent l'au-delà, la vie présente. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant d'eux, « قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقُضِ مَا أَنْتَ قَضِ إِنَّمَا تَقُضِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِنَّمَا تَقُضِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَحْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبَقَى. Par celui qui nous a créés, dirent-ils, nous ne te préférons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente. Décrète donc ce que tu as décrété. Tes décrets ne touchent que cette vie présente. Nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos fautes, ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints, et Allah est meilleur et éternel. La troisième et dernière cause, et on va finir avec ça, Inch'Allah, qui empêche le serviteur d'entrer pleinement en islam, c'est le suivi des passions. Car le suivi des passions empêche le serviteur d'entrer pleinement en islam et égare du sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Daoud alayhi salam de ne pas suivre ses passions, car ils l'égareront du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui s'écarte du sentier d'Allah s'expose à un châtiment douloureux. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Ô Daoud, nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas les passions, sinon elles t'égareront du sentier d'Allah. Car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié les jours des comptes. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire concernant le sujet. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais on va s'arrêter là pour cette conférence. Wallahu al-musta'an, wa bihi tuklan, subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk.